C'est un vrai régal pour nos cœurs engourdis. Ce réveil matinal par l'imprévu surpris. Cœur enfant dans un corps trop grand. Combien parmi nous sont-ils différents? Quel est ce sentiment qui te retient pour que ton élan rencontre le sien? C'est la peur.